Chapitre 6e. Chantage comme il faut. Le soleil du matin du 15 septembre promettait d'être favorable aux esprits aventureux qui se rendaient en hâte au nord, derrière les locomotives, et aux amateurs encore plus enthousiastes du turf, qui avaient donné plusieurs guinées pour passer la nuit dans cette petite ville endormie de Doncaster, qui, durant toute l'année, n'est réellement bien éveillée que pendant cette semaine d'automne. La petite ville du Nord était brillante au soleil, des drapeaux flottaient à la brise d'un vent frais, les marchands de comestibles étaient affairés et joyeux, et le bruit de plusieurs langues résonnait dans l'air du matin. Entre la ville et le champ de course, il y avait une foule de piétons qui se poussaient et s'emparaient de la grande route en défiant les plus hardis conducteurs de voitures et les postillons les plus désespérés. Combien y aurait-il de ces hommes qui reviendraient par le même chemin triste et la tête basse dans la soirée obscure? C'était là une question que personne ne prenait soin de se poser à la première étape de l'affaire du jour. Chaque homme de la foule poussait en avance et joyeusement que s'il allait à une fortune certaine. Mais si ce beau temps d'automne donnait de la satisfaction aux adorateurs forcenés du turf qui s'étaient enfoncés jusqu'aux genoux dans le courant et la vase du Knavesmire et avaient piétiné sur les dunes d'Epsom, quand cette grande campagne ouverte n'était pas meilleure pour marcher qu'un champ labouré, qui était resté à une pluie aveuglante pour voir la fin d'une lutte animée entre deux favoris et n'avaient pas bougé de leur place dans le ring, lorsque le tonnerre faisait trembler le terrain sous leurs pieds et que les éclairs éblouissaient leurs yeux au point de les empêcher de voir les caractères de leurs livres de paris, si de tels hommes étaient réjouis par ce beau jour, que devait être la joie des enfants du village se préparant pour la fête de Mademoiselle Denison? Un grand nombre d'yeux innocents attendaient avec impatience cette aurore de septembre. Un grand nombre de cœurs ingénus battaient de plaisir en voyant ce faible rayon de lumière jaune à l'Orient qui devenait plus brillant à mesure que le jour avançait. Au moment où la pendule du cabinet de Sir Gaspard sonna à midi, les cloches de l'église de Scarsdale sonnèrent un joyeux appel et un chœur de voix aiguë résonna sur la pelouse. Le baronnet frémit et se tourna avec un geste suppliant vers Madame Harding qui était debout près de la fenêtre ouverte, dont le simple appareil de la plus fraîche mousseline couleur pêche et le plus innocent chapeau de Livourne. « Bien agréable, n'est-ce pas, madame ?» dit Sir Gaspard. « Voilà ce que c'est d'avoir une fille philanthrope. J'espère que vous n'êtes pas philanthrope, madame Harding. » La veuve sourit. « J'ai bien peur de n'être pas à beaucoup près aussi bonne que mademoiselle Denison, et je souhaiterais seulement de lui ressembler davantage, » dit-elle. « Et cependant, quelque mauvaise que je sois, je ne puis m'empêcher d'éprouver quelque plaisir à être témoin de l'innocent bonheur de mes semblables. « Ne soyez pas bonne, madame Harding, » s'écria le baronnet. « Si vous désirez rester irrésistible, ne soyez pas bonne. Je ne sais pas pourquoi ces deux choses sont incompatibles, mais j'ai toujours trouvé qu'elles l'étaient. C'est un malheureux fait. Mais les gens qui ont laissé leurs traces dans le monde n'ont pas été ce qu'on appelle généralement de bonnes gens. Combien de fois entendrez-vous répéter le nom de Richard Brinsley Sheridan? Pour une seule, vous entendrez les noms de John Howard et de William Penn. Voyez comme nous parlons souvent de Swift et de Sterne, de Chesterfield et de Walpole, du prince régent et de Lord Byron. Mais qui parle jamais du capitaine Coram et d'Elizabeth Fry? Les vers qu'Oliver Goldsmith a écrits sur un vicaire de village vivront toujours. Mais qui se souvient du vicaire lui-même? Pour une personne qui connaît quelque chose de Saint-Augustin, 50 sont familières avec les plus insignifiants détails de la vie de Voltaire, depuis le moment où il a été battu à la face du genre humain par les laquais de Rouen, jusqu'au jour où il a été jeté hors d'une chaise de poste avec Madame du Châtelet et ses cartons à chapeau, et qu'il l'a tout supporté avec le même calme, les coups de canne, les cartons à chapeau et le caractère de mégère de ce charmant bas bleu. Homme extraordinaire! Est-il étonnant que nous l'admirions? « Non, madame Harding, c'est très triste, mais les biographies des gens méchants sont infiniment plus divertissantes que la vie des saints et des philanthropes. Mais allez, madame Harding, oubliez-moi, et soyez heureuse avec les enfants de charité de Marcia. » La veuve exécuta une petite manœuvre qui était quasi rougir, et murmura que la conversation de Sir Gaspard était plus charmante pour elle qu'aucune fête champêtre eût jamais été imaginée depuis l'illustre période où Watteau nous les a rendues familières, dans ses toiles, où les heureux de ce monde semblent trouver plaisir à s'asseoir sur le gazon, à boire du vin de champagne dans de grands verres élancés, et à danser des menuets au grand soleil, accompagné par un violon amateur. Si j'osais vous demander de venir sur la terrasse, dit la veuve, je crois réellement que l'air vous ferait du bien. Sœur Gaspard hésita un peu, regarda son bien-aimé feu, le brillant ciel bleu, puis sa belle visiteuse. En vérité, j'en ai envie, dit-il. Cette imprudence peut me coûter la vie, mais, ainsi tenté, le plus sage des hommes peut risquer sa misérable existence. Je vais sonner pour avoir un pardessus et vous rejoindre. C'était une chose convenue que le baronnet était malade et devait être malade, et personne ne s'aventurait à laisser échapper le soupçon qu'il n'avait rien, quoi qu'il pût dire, et parmi ses non-croyants était le médecin qui le soignait. Le baronnet avait abandonné sa robe de chambre pour un vêtement plus décent depuis l'arrivée de la veuve, mais il jouissait toujours de certains petits privilèges qu'un malade seul peut se permettre sans incivilité. Les plus confortables bergères et les coins les plus agréables de la pièce étaient réservés à Sir Gaspard. Si un des visiteurs du baronnet se levait pour quitter le salon, on ne s'attendait pas à le voir abandonner son fauteuil pour précéder ses pas et lui ouvrir la porte. S'il se sentait disposé à s'éviter la peine de s'habiller pour dîner, un léger frissonnement et un languissant soupir, ou la remarque qu'il était un peu plus souffrant qu'à l'ordinaire, étaient des excuses suffisantes pour son manque d'étiquette. S'il avait besoin de faire un petit somme après dîner, il s'y livrait sans déguisement et son assoupissement était adouci par les murmures étouffés de la veuve qui faisait remarquer à sa chère Marcia combien il était délicieux de voir son cher papa prendre un peu de repos. L'indignation des familles du comté qui avaient empêché toute relation amicale avec leurs voisins était en quelque sorte apaisée lorsqu'ils furent informés que le pauvre sœur Gaspard était à peu près dans le même état que d'habitude, ni mieux ni pire. Et pendant ce temps, le sybarite lisait ses livres favoris et dégustait son plus éthéré vin du Rhin, dans de fragiles verres qui semblaient avoir été faits souffler par des fées, et chacun autour de lui et près de lui s'inclinait et lui rendait hommage. Il allait et venait sur la terrasse avec Madame Harding, pendant que Marcia, le curé, et une demi-douzaine d'instituteurs et tous les domestiques de l'abbaye étaient occupés du grand événement du jour. La veuve paraissait extrêmement charmée, et sœur Gaspard buvait à longs traits dans le calice de la Circé. Il l'aimait. Il l'aimait. Il savait qu'elle était plus ou moins fausse, peut-être même méprisable. Il savait que le silence qu'elle gardait sur ses antécédents était de très mauvais augure. Il savait qu'un homme dans lequel il avait une foi instinctive l'avait dénoncé comme une femme ayant abandonné son mari, une mère sans cœur et cruelle. Et cependant, le son caressant de sa voix, les subtiles flatteries renfermées dans sa conversation, le charme de sa splendide beauté, le genre parfait de sa toilette, toutes ces choses étaient très délicieuses pour lui. Et tandis qu'il errait à ses côtés sur la brillante terrasse éclairée par le soleil, il songeait à la possibilité de s'assurer ses plaisirs pour toujours. Un homme ne lit pas Voltaire pour rien. Un invétéré persifleur est l'être le plus immoral de tous les êtres. Peut-il y avoir sur la terre quelque chose de réellement sacré pour lui? Peut-il exister sur la terre et dans le ciel quelque chose qui ait aucune importance solennelle pour l'homme qui fait de lui et de son seul plaisir le centre de l'univers? Je ne suppose pas qu'elle soit une bonne femme, pensait sœur Gaspard. Continuons la thèse qu'il avait soulevé dans sa conversation avec la veuve. Et il doit y avoir quelque chose de singulier dans son mariage avec ce diable d'Harding, où elle ne serait pas si discrète sur tout ce qui s'y rapporte. Mais si je l'aime, et si je puis l'épouser, dois-je me priver du plaisir de sa société parce qu'elle est un peu réservée sur ses antécédents? Cléopâtre a été apportée dans un ballot à César avant que sa galère descendît le Cydnus, pour aller à la rencontre de Marc-Antoine. Et Louis le bien-aimé succéda à Sainte-Foy dans les affections de la belle Mademoiselle Lange, autrement dite Marie-Jeanne Gomard-Beaubernier, à peu près comme il succéda à Pharamond sur le trône de France. Il y a des gens qui m'appellent fou, je le sais bien, si j'épouse cette adorable veuve. Mais en serais-je pire parce qu'on m'appellera fou? On m'appelait fou lorsque j'ai donné 300 guinées pour ma psyché. Mais ce tableau se vendra chez Christie 1000 guinées à ma mort. Pourquoi ne me satisferais-je pas dans le choix d'une femme aussi bien que dans celui d'un tableau? Et Marcia? Mais naturellement, Marcia se mariera tôt ou tard, quoique je craigne que toute cette anxiété pour les enfants de charité soit presque un signe qu'elle devient vieille fille. Plusieurs choses de ce genre vinrent traverser les rêveries du baronnet pendant qu'il se promenait aux côtés de Madame Harding, dans un état d'esprit aussi rêveur que si son estomac eût ruminé un repas composé de lotus ou de lotis, comme diraient les grammairiens. Il était très éloigné de cette noble sécurité d'esprit dans laquelle il avait cité son Pickwick et avait ri de mépris en pensant aux machinations de cette élégante Madame Bardell. Madame Bardell s'était absentée et la vie sans Bardell lui avait paru très triste. Elle lui avait appris à comprendre sa valeur et il regrettait l'éclat de sa beauté dans son plein épanouissement, comme il regrettait son plus bel étui si ce tableau lui eût été enlevé et si, à sa place, il n'eût trouvé sur le mur vide qu'un sombre carré noir. La pensée de la perdre encore, de la perdre pour toujours peut-être, s'il allait fasciner quelque autre vieux baronnet, était terrible pour lui. Il ne souhaitait pas l'épouser. Il était beaucoup trop personnel pour désirer faire une chose qui pouvait lui amener des tourments ou le rendre ridicule, mais il voulait se l'assurer. Il voulait être seul possesseur de cette douce voix caressante, de ses mouvements onduleux et gracieux, comme ceux d'un chat, si on peut dire, et de toute la vie et la couleur de cette trop mondaine beauté. Il peut arriver un temps où elle sera un ennui pour moi, pensa le baronnet. Même l'ami le plus cher peut devenir incommode. J'ose dire qu'Oreste doit souvent avoir été là de Pylade, Damon fort ennuyé quelquefois de Pythias, Socrate fatigué de Platon, Pope dégoûté de Bolingbroke et Lamb avoir eu mal au cœur de Coleridge. Mais je l'enverrai au bord de la mer changer d'air, ou faire une tournée de visite, où je m'en débarrasserai de quelque autre manière également polie. Elle sera à moi, et avec ma fortune, mes biens, meubles et immeubles, ma maison, mon mobilier, mes champs, mes granges, il n'est pas vraisemblable que je la laisse devenir un ennui pour moi. La grande cloche de la cour des écuries sonna 2 heures pendant que Sir Gaspard et la veuve se promenaient encore sur la terrasse. Martial y rejoignit alors, paraissant brillante et jolie par l'animation qui colorait ses joues. Il est tout à fait impossible de rendre les autres heureux sans partager un peu leur bonheur. Une grande acclamation s'éleva au-dessus des arbres dans le parc lorsque Martial parut sur les marches de la terrasse. « Je n'ai pas vu une aussi charmante expression sur votre figure depuis 6 mois, ma chère, » murmura le baronnet en allant au-devant de sa fille. « Ils sont maintenant à table, papa, » dit Mademoiselle Denison. « Ils ont crié 3 vivas pour vous, les instituteurs me l'ont dit, avant de dire les grâces. Les tables sont ornées d'une manière charmante, et réellement cette chère Madame Browning et tous les domestiques ont fait des merveilles. J'aurais seulement souhaité que vous fissiez dans la grande tente en ce moment, papa. » Browning et moi avons regardé les enfants par une ouverture laissée sur le derrière. Vous n'avez jamais vu tant de figures heureuses. Vous avez réellement perdu une jouissance. « Ne vous en inquiétez nullement, mon amour, » répliqua le baronnet languissamment. « Je ne me soucie pas beaucoup de cette espèce de sujet. Wilkie a fait de très jolies choses dans ce genre, et ces sortes de choses font bien en gravure et sont sûres de devenir populaires dans les parloirs d'auberges de second rang. » Et les appartements garnis des bains de mer. Je suis très enchanté que vos protégés s'amusent, ma chère, puisque c'est vous qui leur procurez leur divertissement. Mais si vous croyez que je puisse éprouver aucun plaisir à m'entendre acclamer 3 fois et 3 fois encore, ou quelque chose de cette espèce, ou à voir l'affreux spectacle de 200 ou 300 enfants voraces, se gorgeant de bœuf très rouge, savoir pourquoi il n'est jamais cuit à point dans ces occasions est un mystère que je n'ai pu sonder. Si vous pensez qu'aucune chose de ce genre puisse me faire plaisir, vous avez la plus piètre opinion de moi que jamais j'aurais cru possible que vous puissiez avoir. Naturellement, Madame Harding s'enthousiasma au sujet de ses chers enfants, mais elle eut soin de contenir son enthousiasme dans de certaines bornes. car elle devait consulter le goût de Sir Gaspard plutôt que celui de Mademoiselle Denison, ce qui lui parut très difficile à concilier. Le baronnet accompagna les dames à la salle à manger, ou plutôt à cette chambre lambrissée commode dans laquelle ils dînaient toujours. Car la salle à manger de Scarsdale était une pièce effrayante, aussi grande qu'une église de moyenne grandeur, ornée de portraits de famille enfumés, dans lesquels il y avait ici une horrible figure et plus loin un bras livide ou une main osseuse sortant d'un arrière-plan obscur. Quelques-unes de ces peintures avaient la réputation d'être très belles, et les connaisseurs tombaient dans le ravissement en voyant la concentration de la lumière sur un point et la merveilleuse imitation d'étoffe et l'étonnante fidélité des détails dans d'autres et l'extraordinaire vigueur de ton partout. Mais Sir Gaspard levait les épaules et prisait peu les portraits de famille de Holbein et de Van Dyck. Holbein est un très grand peintre. Il y a un petit portrait d'un vieil Hollandais à Dulwich qui est une merveille de peinture réaliste, disait le baronnet. Mais je ne me soucie pas de la peinture réaliste. Donnez-moi un homme qui crée, et non pas un strict dessinateur. Donnez-moi un poète dont la brosse enchantée rend chaque objet sublime. Monetti a l'habitude de douer ses modèles les plus communs du charme divin de la grâce. Il n'a jamais peint ce qu'il voyait, mais ce qu'il sentait, et les élèves, pendant leur séjour à l'académie, s'étonnaient en regardant par-dessus ses épaules lorsqu'il comparait la figure qu'il voyait sur la toile avec son modèle fané. Vous ne pouvez pas avoir une déesse pour un shilling par heure. La divinité doit être dans l'esprit du peintre. Depuis Queensbury, vous ne retrouvez plus sa beauté patricienne. Le peintre doit donner la grâce d'une duchesse à la servante qui lui sert de modèle pour son Hélène. Je ne pense pas qu'Etty ait jamais vu l'original de ma psyché, excepté dans ses rêves inspirés. Je ne crois pas que Rome ait jamais paru aussi belle que Turner l'a peinte. Le baronnet jouait avec son délicat biscuit et buvait à petites gorgées son verre d'eau de Vichy et de sherry pâle, pendant que les deux dames prenaient leur lunch. Il était d'une amabilité toute particulière et disposé à être gracieux pour tout ce monde ce jour-là. Autant qu'il pouvait être en lui d'éprouver un sentiment romanesque, Sir Gaspard était amoureux. Il pouvait à peine admettre le fait vis-à-vis de lui-même, car cela semblait un pitoyable couronnement à sa philosophie. Mais il se trouvait réchauffé au soleil des sourires de Madame Harding, et il avait confusément conscience que ses sentiments étaient plus juvéniles que ses arguments. Après le lunch, ils retournèrent à la terrasse, où la veuve apporta de ses propres mains un fauteuil en osier pour la commodité de Sir Gaspard. Non contente de cette attention, elle alla de côté et d'autre à la recherche d'un tabouret, d'un coussin et d'une couverture de peau de tigre, et se comporta comme elle l'aurait fait si son hôte eût été dans la dernière période de la consomption. Il l'aimait. Oui, malheureusement, Sir Gaspard aimait tous ces hommages féminins non déguisés. Il aimait avoir cette belle tête brune courbée devant lui, pendant que ses mains couvertes de bijoux posaient un tabouret sous ses pieds. Il était malade, et toutes les choses de ce genre étaient permises à cause de son état de maladie. « Je ne pourrai jamais être mieux de ma vie, » pensait-il, pendant que Madame Harding arrangeait ses oreillers. Et dans un moment où Martial ne regardait pas, il pencha la tête sur ses doigts occupés et les toucha légèrement avec ses lèvres. Cette fois, la veuve rougit réellement, et sa rougeur se voyait au travers des roses de son teint délicatement simulé. « Je serai Lady Denison avant de mourir, » pensa-t-elle, « si elle ne sait rien. » Ses yeux lancèrent un furtif regard à Marcia, et sa figure s'obscurcit tandis qu'il se dirigeait de ce côté. Marcia retourna alors près du curé, des instituteurs et des enfants, et le baronnet et la veuve restèrent seuls. Madame Harding se posa dans une attitude charmante. Elle avait un choix adorable de poses étudiées, d'après les plus beaux modèles des galeries étrangères. Elle était debout à quelques pas du fauteuil de Sir Gaspard, s'appuyant, à moitié nonchalamment, contre un des vases de marbre de la balustrade, son coude posé sur le large rebord du vase, sa tête supportée par sa main et son profil en relief. Elle était d'un âge où le visage d'une jolie femme est plus beau vu de profil que de face. Il est inutile de suivre la conversation de ces deux personnages. La veuve avait le talent de suivre avec complaisance les idées de son compagnon plutôt que de mener une conversation. tout ce que sœur Gaspard disait semblait l'intéresser aussi profondément que si, par quelque coïncidence, il était arrivé à toucher le sujet qui absorbait plus particulièrement son âme. En l'écoutant constamment, elle avait appris le tour de ses pensées et de temps en temps, il lui arrivait de murmurer les mots qui étaient sur ses lèvres. Alors, avec quel délicieux charme, ses paupières tombaient sur ses beaux yeux, et combien était ravissante la modeste hésitation avec laquelle elle murmurait. Il est étrange qu'il y ait si souvent une telle coïncidence de pensée entre nous. La conversation était devenue demi-sentimentale, demi-métaphysique, et Madame Harding regardait rêveusement à travers les plates-bandes du jardin italien et le feuillage agité du parc, quand tout à coup sa figure changea, et cette fois ce fut une pâleur mortelle qui parut sous son teint artificiel. En regardant insoucieusement le paysage champêtre, elle avait soudain aperçu un homme à cheval qui s'avançait au pas en côtoyant la grille en fer qui séparait le jardin du parc, et se penchait pour parler à un des domestiques de sœur Gaspard, qui marchait en tenant son cheval par la bride. Madame Harding était revenue à elle pendant que le cavalier s'était dirigé vers la petite porte en fer et était descendu de son bel alezan. « Je crois réellement que j'aperçois un ami, ou plutôt une de mes connaissances, qui descend de cheval à la porte là-bas, » s'écria la veuve. « Oui, c'est M. Holroyd. Oh, c'est une vieille connaissance. Il m'avait dit qu'il était très vraisemblable qu'il viendrait faire une visite dans ce voisinage, mais je ne pensais pas qu'il viendrait me voir. » Et je ne lui ai certainement pas donné la permission de le faire. Je vous en prie, ne considérez pas cela comme une introduction, chère sœur Gaspard. Non, pas du tout, répondit le baronnet presque avec roideur. Il est très naturel que les amis de Madame Harding soient attirés dans un lieu où ils peuvent la trouver. Et c'est étonnant que d'insensés papillons de nuit voltigent autour d'une flamme aussi brillante. La veuve fit une petite inclinaison coquette, le geste le plus charmant, juste comme la courbe gracieuse du cou d'un cygne que fait onduler ses légères draperies de mousseline. « Je ne pense pas que je doive prendre ce joli discours comme un compliment, dit-elle. Il a l'air d'une moquerie. Quand même la flamme serait toujours si brillante, il y aurait peu de danger pour les ailes de M. Holroyd. C'est tout à fait un vieil ami de mon mari. »« Diantre, pensa sœur Gaspard. Alors peut-être pourrons-nous apprendre quelque chose à la fin sur ses antécédents. » Le visiteur était au pied des marches de la terrasse à ce moment, et Madame Harding alla au-devant de lui pour le recevoir. « Je vais vous laisser souhaiter la bienvenue à votre ami, » dit sœur Gaspard en retournant vers la maison. Mais la veuve avança sa main avec le plus joli geste, un geste à demi timide et à demi suppliant. « Oh, je vous en prie, arrêtez. Laissez-moi vous le présenter, » dit-elle. « Il m'a tant entendu parler de vous que je suis sûr que c'est pour vous voir qu'il est venu ici. » Sœur Gaspard sourit et pressa la petite main suppliante. « Il me sera toujours agréable de voir n'importe lequel de vos amis, » dit-il, « tant qu'il ne vous sera pas trop cher. » L'instant d'après, sœur Gaspard et M. Holroyd se saluaient mutuellement avec courtoisie pendant que la veuve les présentait l'un à l'autre. Naturellement, on échangea quelques paroles de politesse ordinaire. Holroyd était enchanté de Roxborough et encore plus de Scarsdale. Il était venu à cheval de Marchbrook. Sœur Gaspard connaissait certainement Marchbrook, l'habitation du colonel Davril Slingsby, et le colonel lui-même, un des plus gentils garçons du monde et un vieux camarade d'école de Holroyd. « Nous étions à Eton ensemble, » dit-il, « et lorsque je suis entré à l'université, il est allé à Woolwich. Depuis lors, ce gaillard a été dans les quatre parties du globe et il a fait des choses très extraordinaires, je crois. Je me rappelle avoir vu un bal de l'ambassade française, la poitrine toute éblouissante de décoration. Mais depuis l'année dernière, le cher vieux garçon se repose sur ses lauriers. Il s'amuse avec sa ferme de Marchbrook, où, je n'ai pas besoin de vous le dire, son blé lui coûte 100 shillings le quart et son mouton 2 shillings 6 pence la livre. » Cette mention du colonel Slingsby plaça tout de suite Holroyd sur un pied orthodoxe. L'homme qui était reçu à Marchbrook pouvait très certainement être admis à Scarsdale. Davril Slingsby était garçon et avait eu je ne sais quoi du guerrier Mohawk dans son ardente jeunesse, mais on supposait qu'il était assez rongé maintenant, et il descendait d'une des meilleures vieilles familles du comté. Sir Gaspard eut grand loisir d'examiner en critique Arthur Holroyd, tandis que ce gentleman se tenait en face de lui pendant cette longue après-midi de soleil. Le visiteur de Madame Harding avait 50 ans et paraissait plus vieux qu'il n'était réellement. Mais il possédait toute cette élégance de tournure et cette grâce aisée de manière qui appartiennent généralement à un homme qui a vécu 40 ans dans la bonne société et n'a pas été atteint par ce vulgaire démon appelé embonpoint, ce cruel ennemi qui peut flétrir la grâce patricienne d'un prince régent et rendre ce sublime personnage un objet de ridicule pour le méchant Brummel. Arthur Holroyd était grand, pâle et mince. Nul n'avait jamais dit que ce fût un bel homme. Bien des gens le trouvaient ordinaire. Mais Adonis aurait envié la grâce aisée de ses mouvements. Apollon serait tombé malade de dépit en contemplant la légèreté aérienne de sa tournure. Antinous se serait tué après avoir contemplé ses pieds et ses mains. Sa marche à travers la vie avait été continuellement triomphale en tout ce qui se rapporte au beau sexe. Ce n'était pas un scélérat, mais il y a peu de scélérats qui aient été aussi profondément enfoncés dans la bassesse qu'Arthur Holroyd. C'était un homme vain, et il aurait sacrifié l'univers pour satisfaire sa vanité. « Je ne suis pas beau, disait-il, et je ne resterai pas longtemps jeune. J'ai une place chauve au sommet de la tête, et le malfaisant oiseau a piétiné sur ma jeunesse en laissant les traces de ses odieuses pattes au coin de mes yeux. Je suis pâle et blême, terne et fané. Mais que les beaux hommes prennent garde à moi, que les jeunes gens tremblent à mon approche. Mon nom est Arthur Holroyd, et je n'ai jamais épargné ami ou ennemi. Vae victis. » Sir Gaspard n'était pas disposé à être tout à fait charmé d'aucun ami de Madame Harding. Mais comme Holroyd pouvait probablement jeter quelques rayons de lumière inattendus sur l'entière obscurité des antécédents de la dame, le rusé baronnet se décida à l'encourager. Il appela le groom et lui ordonna de mener le bel alezan aux écuries. « Vous dînerez avec nous, j'espère, monsieur Holroyd. Nous sommes des gens très tranquilles. Mais lorsque Madame Harding nous honore de sa société, nous avons au moins une puissante attraction. » Holroyd salua. « J'avais l'intention de retourner à Marchbrook avant 7 heures, dit-il, mais comme mon ami me laisse une parfaite liberté et qu'il ne retarde jamais le dîner pour personne, je cède à la tentation que vous m'offrez si amicalement. J'ai beaucoup entendu parler de Scarsdale et de sa galerie. « Je suppose que cela veut dire que vous seriez heureux de voir mes tableaux, » répondit le baronnet. « Il nous vient tant de badauds qui n'y connaissent rien et qui passent et repassent devant un guide ou un Sébastien del Piombo aussi froidement que si c'était une enseigne. Que je suis toujours très enchanté pour eux quand ils peuvent être vus par quelqu'un qui connaît son bazari. Voulez-vous servir de cicérone à votre amie, Madame Harding? Vous lui épargnerez ainsi le soin d'entendre les descriptions catégoriques de la pauvre Browning et d'entendre répéter que ces tableaux seront considérés comme très beaux. Nous dînons à 7 heures, monsieur Holroyd, et si vous pouvez m'accorder une demi-heure avant dîner, je pense que je serai assez agile pour vous montrer quelques jolis petits spécimens de l'art moderne dans les pièces que nous habitons. » C'était une manière polie de donner à Madame Harding et à son ami leur liberté. La veuve jeta un regard d'excuse à Sir Gaspard, tandis qu'il se dirigeait vers la fenêtre de son cabinet, mais le baronnet était disposé à faire un petit somme, et il se résigna à l'idée de laisser son enchanteresse en société d'un rival possible. « Pourquoi m'effraierais-je d'une rivalité ? » pensa-t-il, en s'établissant dans son luxueux fauteuil et en fermant paresseusement les yeux. « Ne sais-je pas que la veuve veut m'épouser ? Qu'elle n'est venue ici que dans le but d'y parvenir et que la seule question est de savoir si je suis préparé à faire le sacrifice ?» Quand Sir Gaspard eut disparu de la terrasse, l'expression de tendresse suppliante s'évanouit du visage de Madame Harding et le laissa aussi dur et aussi froid que s'il eût été taillé dans la pierre. C'est une très commune comparaison, mais cette dure et froide figure ressemblait tout à fait à de la pierre par ses contours rigides et accusés et sa sombre pâleur de craie. La veuve et son compagnon passèrent doucement devant la fenêtre ouverte de Sir Gaspard et restèrent silencieux jusqu'à ce qu'ils eussent atteint le bout de la terrasse. « Allons, » dit enfin Madame Harding, « que voulez-vous de moi et pourquoi m'avez-vous suivi jusqu'ici? Ou vous avez des projets dans lesquels il est possible que j'intervienne ? ma douce Blanche, c'est cela, n'est-ce pas? Comme tous ces changements de nom sont maladroits. Ma chère madame Harding, si seulement vous vouliez être raisonnable, je ferais tout mon possible pour vous aider dans vos petites spéculations féminines au lieu d'y intervenir. Estimez-vous mon art diplomatique si pauvrement que vous ne puissiez vous confier à moi? Ma bien douce Blanche, c'est vraiment un très joli nom, seulement un peu trop jeune fille pour une aussi imposante créature que vous. Pourquoi ne pas vous confier à moi spontanément, au lieu de me placer dans la ridicule attitude d'un espion bien né, courant toujours après le fil du hasard, dans ma recherche après vous? J'ai trouvé le joli petit poulet que vous avez laissé pour moi à votre logement, qui m'informait que vous seriez absente un mois ou deux au plus, et que vous me préviendriez directement de votre retour. Ma chère enfant, si j'eusse été un cordonnier importun, vous m'auriez à peine traité avec moins de confiance. Sûrement, ma Blanche, vous ne pouvez pas être assez enfant pour supposer que dans aucune circonstance vous puissiez m'échapper. Dans ce cas particulier, naturellement j'ai deviné où vous étiez parti, et tout aussi naturellement j'ai deviné pourquoi vous y étiez parti. Mon ami d'Avril Slingsby, un des plus fiefés coquins et le meilleur des compagnons que j'ai jamais eu le bonheur de connaître, demeure à 20 miles d'ici. Je lui écris pour le prévenir que j'aurai le plaisir d'aller tirer quelques-unes de ses perdrix. Je suis arrivé il y a 3 jours. J'ai consacré le second jour aux perdrix. J'ai passé la soirée d'hier jusqu'à 2 heures du matin dans la société de mon ami et je suis monté à cheval pour arriver ici cet après-midi. Mais maintenant, chère vieille compagne de ma brillante jeunesse, parlons sérieusement. Vous feriez mieux de venir regarder les tableaux, dit madame Harding, d'une voix qui était aussi froide et aussi dure que sa sombre figure. Elle ressemblait étonnamment à Gervase Cawthron cet après-midi, à Gervase dans sa plus mauvaise humeur. Vous ferez mieux de traverser les salles d'exposition. Sir Gaspard espère que vous aurez examiné ses tableaux lorsque vous viendrez dîner avec lui. Holroyd consentit en faisant un gracieux mouvement d'épaule et en agitant ses mains en l'air. J'ai visité toutes les galeries d'Europe et d'Amérique. Pourquoi ne visiterais-je pas celle de Scarsdale? Une fatigue de plus ne me fera pas mourir. Mais, oh, la plus belle des Cicerones, dépêchons-nous. Les portes vitrées de la galerie de peinture étaient ouvertes, et madame Harding entra par l'une d'elles dans les appartements de cérémonie de l'abbaye. On y sentait cette froide atmosphère qui semble toujours envahir les pièces qui servent d'exposition et non à l'usage ordinaire, quelque soigneusement qu'elles puissent être chauffées et aérées. Holroyd passa légèrement à travers les appartements, regardant de côté et d'autre en levant les épaules à toute chose. Ce buveur, dont on voit le nez au travers de son verre, est très beau. Il a été acheté 700 guinées à Christie comme un Murillo. Je crois que c'est un Velasquez. Un Greuze. Non, ma chère amie, pas un véritable Greuze. Je ne prétends pas être très connaisseur, mais cependant, je connais Greuze. Ce vieillard, osseux, noir et hideux, c'est un Caravage. Pourquoi y a-t-il des gens qui peignent des hommes osseux et noirs? Et pourquoi y en a-t-il d'autres qui donnent pour les avoir, lorsqu'ils sont peints, des sommes énormes? Un Pérugin. Oui. Cela peut être bien comme Tony Lumpkin le dit, un saint homme tourmenté par des démons dans l'enfer de Bruegel. Quel puissant de détail avait cet homme? Un Van Dyck. Ah, nulle galerie d'hommes comme il faut n'est complète sans un tableau de ce courtisan d'Antoine. Et maintenant, très chère Blanche, voulez-vous nous reposer sur ce vieux sèche bizarre et causé? J'ai pris une idée de la collection à vol d'oiseau et je pense que je la connais assez pour en parler à Sir Gaspard. Ainsi, soyons sérieux, un charmant parc de ce côté. On dirait qu'il y a quelques fêtes champêtres sous les arbres. Qu'est-ce que c'est? Madame Harding expliqua la nature de la fête de Mademoiselle Denison. Mademoiselle Denison? S'écria Holroyd. Oh, il y a une Mademoiselle Denison ici. Notre ami le baronnet a des filles. Une fille, en vérité, une fille. Et des fils? Non, il n'a pas de fils. Alors je conclus que sa fille est une héritière. Elle est plus qu'une héritière, car elle a pris possession de la très belle fortune que lui a laissée sa mère à sa majorité il y a 1 an ou 2, et elle héritera d'une autre fortune à la mort de son père. Et cette propriété est-elle substituée? Y a-t-il quelque héritier universel? qui viendra mettre Mademoiselle Denison dehors de la maison et de la propriété lorsque son père mourra ? Je ne crois pas. « Diantre !» murmura Holroyd. « Mademoiselle Denison est presque un parti avantageux. » Madame Harding le regarda avec un malicieux sourire. « Je me demande si vous vous croyez toujours invincible, » dit-elle en se moquant. « Si je me crois toujours invincible, » répondit Holroyd froidement. « L'homme qui veut réussir doit commencer par se croire invincible. Je pense que la mauvaise fortune de Napoléon a commencé lorsque son imagination, déchirée de remords au sujet de Joséphine, lui donnait l'idée que son étoile l'avait abandonnée. Mais laissons tout cela, ma chère Blanche. Vous avez besoin de savoir pourquoi je vous ai suivi ici. Malheureusement, la réponse à cette question est des plus ordinaires. Voulez-vous me l'épargner en la devinant ? Vous avez besoin d'argent, répondit Madame Harding de mauvaise humeur. Je n'ai pas dit que j'avais besoin d'argent, ma très tendre amie, reprit Holroyd presque d'un ton plaintif. Je n'ai jamais eu besoin d'argent de ma vie. Je regarde la monnaie vulgaire du royaume avec un profond mépris, comme la source de tous les grands désagréments et de la moitié des crimes de l'univers. Pensez-vous que, de mon propre mouvement, je viendrai vous demander quelques sordides livres sterling et quelques misérables shillings, capables seulement, par leur simple poids, de déchirer le fond de mes poches et de déranger la symétrie de mon habit ou de mon gilet. Mais mes créanciers ont besoin d'argent. Les Juifs en demandent. Et me trouvant assommé de tous les côtés, je viens à vous comme l'ami le plus riche auquel je puis m'adresser. Et je n'ai pas besoin de vous dire que je viens à vous spécialement, parce que c'est à une heureuse idée venant de moi que vous devez votre fortune, et que sans cette heureuse inspiration, vous pourriez bien en ce moment jouir de la plus noble hospitalité de votre pays, dans quelque établissement paroissial. Je souhaiterais que le ciel ne vous ait jamais fait trouver sur mon chemin, s'écria la veuve avec colère. J'aimerais mieux être une mendiante des rues que la misérable esclave que je suis. Alors allez et mendiez dans les rues, reprit Holroyd de son ton le plus léger. C'est la plus absurde manière d'arranger les choses, vous savez. Lorsqu'un homme vient se lamenter près de moi et me dire qu'il souhaiterait être mort, je réponds « Alors allez et mourrez, mon cher ami. Notre pays fera une enquête sur vous, mais ne restreindra pas assez votre liberté pour vous empêcher de vous tuer. Alors donc, ma folle Blanche, lorsque vous dites cette absurde bêtise, que vous êtes une misérable esclave, une esclave avec 1500 livres sterling de rente, comment vous répondre autrement que je ne le fais ? Vous ne voudriez pas vous dépouiller de cette jolie mousseline, bordée de vraies valenciennes à ce que je vois, ou à de ces charmants bonnets ? Vous n'aimeriez pas échanger ces bottines de Patterson pour les conventionnelles savates déchirées d'une vieille mendiante ? Ni l'hospitalité de Sir Gaspard Denison pour la réclusion accidentelle dans l'asile de Roxborough ? Ma Blanche, avant tout, soyons raisonnables. Vous me devez tout. Je réclame quelque chose. Vous avez reçu le premier semestre de votre rente il y a quelques semaines. Ne cherchez pas à savoir comment je le sais, mais je le sais. J'ai besoin de 350 livres sterling. Madame Harding secoua la tête. C'est tout à fait impossible, dit-elle. J'ai payé ma modiste, chez laquelle j'avais un gros mémoire avant de quitter Londres, et je dois beaucoup d'argent à différentes personnes. Je suis fâchée d'apprendre que vous avez été si extravagante, mais il me faut les 350 livres. C'est-à-dire, il les faut aux Juifs. Je vous répète que c'est tout à fait impossible, répondit la veuve d'une manière revêche, qui était entièrement étrangère à l'enchanteresse de Sir Gaspard. Et je regrette profondément d'être obligé de répéter pour la troisième fois qu'il me faut cet argent, répliqua tout aussitôt Holroyd. Votre vie a été heureusement si exceptionnellement exempte d'ennuis et de tracas que vous n'avez nulle idée de l'importunité de ces Juifs. Je ne veux pas dire par là que j'ai jamais trouvé une merveilleuse indulgence chez les chrétiens. Mais lorsqu'un homme a perdu son crédit dans le monde, c'est toujours une chose certaine pour lui d'avoir des difficultés avec les Juifs. C'est toujours l'éternelle histoire du bouc émissaire. Mais revenons à nos ennuis et moutons. Il me faut réellement mes 350 livres sterling, mais je ne les ai point. Oh, je pense que vous les trouverez. Si vous ne pouvez parvenir à m'obliger en ce moment, lorsque vous venez de passer un trimestre sans rien dépenser chez votre cher Sir Gaspard, Quand est-il vraisemblable que vous pourrez le faire? Ma chère Blanche, ne soyons pas absurdes. Vous savez qu'il faut que vous me donniez cet argent. Ne serait-il pas plus sage de me le donner de bonne grâce? La belle tête de la veuve se pencha sur son sein dans une attitude de sombre désespoir. Ainsi devait être la Clytemnestre d'Eschyle, lorsqu'elle se tenait debout à côté du bain de sa victime, attendant le moment de jeter le nœud fatal autour de ce corps royal. Mais Holroyd était calme et très indifférent à ses sombres regards. Il portait une magnifique bague encamée à l'un de ses doigts effilés et s'amusait à l'ôter de ce doigt pour l'essayer aux autres, ayant l'air de découvrir seulement en cet instant quelle belle bague c'était et quel charmant doigt il avait. « Oui, » dit Madame Harding après une pause, « vous avez raison, je dois vous donner cet argent, et beaucoup plus encore, si cela vous plaît de m'en demander. » Naturellement, vous aurez soin de ne pas trop me désespérer. Car alors je penserai réellement à jeter le masque, à tout dire à Godfrey Pierpoint, et à m'en aller mendier dans les rues ou mourir. Vous tiendrez l'épée suspendue au-dessus de ma misérable tête, mais vous prendrez garde de ne pas me toucher un cheveu. Avez-vous jamais lu quelque histoire de ces malheureux galériens? Moi je l'ai fait. De temps à autre, quelques désespérés scélérats s'échappent de Toulon. Se sauver ainsi est, je crois, quelque chose de presque impossible. Mais il y a cependant des gens qui le font. Puis ce malheureux retourne à Paris où il a commis tous ses crimes, comme dans le seul endroit où il peut être heureux, et il achète et s'établit dans quelques petits cabarets de bas étage, au Lapin Blanc ou au Moulin Bleu, ou dans quelque autre lieu de ce genre, et il réussit et gagne de l'argent. Mais un jour, un ancien camarade tombe chez lui. Il lui demande une chope et reconnaît le propriétaire. Vous savez ce que le camarade fait, monsieur Holroyd? Il parle de cet abîme, de cet endroit bien loin. Il est très amical. Puis, en disant adieu à la compagnie, il emprunte une poignée de francs ou un napoléon, selon le cas, et s'en va. Mais le Lapin Blanc ne l'a pas vu pour la dernière fois. Il revient encore, et encore, et chaque fois, il faut lui donner à boire et de l'argent. Il s'étend sur les bancs et il renverse son vin sur le parquet. Il fume au nez des habitués plus sobres, il chante des chansons obscènes, et il faut encore lui donner de l'argent avant qu'il s'en aille. Et il revient et revient continuellement, jusqu'à ce que le malheureux échappé du bagne pense qu'il vaudrait mieux supporter encore son ancienne torture, avoir un fer autour de la jambe et le soleil brûlant du midi sur la tête. Je crois que les Français appellent cette espèce de chose chantage, n'est-ce pas, monsieur Holroyd? « Je ne connais rien de tout cela, chère madame. Je ne lis pas de romans français de troisième ordre. Horrible livre avec des gravures barbouillées de noir dans le milieu de la page. Sans parler de cette lenteur invétérée, de cette tendance à revenir en arrière, juste au moment où on commence à y prendre de l'intérêt. Ma très chère Blanche, le jour baisse. Et si je veux être poli envers Sir Gaspard, je dois aller visiter ces tables modernes. Soit dit en passant, vous n'oublierez pas que j'ai besoin des 350 livres d'ici 9 heures. Très heureusement que vous êtes doué des notions féminines sur les banquiers, et que vous avez l'habitude de garder votre avoir dans le tiroir secret de votre nécessaire de toilette, ou de votre boîte à bijoux, parmi les bracelets et les broches qui représentent les scalps de vos victimes. D'ici à 9 heures, pensez-y, j'ai à faire 2000 avant de me coucher ce soir. Holroyd et sa compagne traversaient la longue galerie comme il disait ces mots. La veuve posa sa main sur la porte en espagnolette qui communiquait avec la partie habitée de l'abbaye et regarda Arthur Holroyd en pleine figure avec des yeux colères et menaçants. « Je me demande comment vous n'avez pas peur que je vous tue, » dit-elle à voix basse. « Vous, ma chère enfant, je ne vous ferai pas compliment de votre pénétration. La dernière chose que je craindrai de vous est un acte de violence manifeste. Vous avez trop d'amour pour vous-même. Les gens qui commettent des meurtres par vengeance sont de pauvres diables désespérés dont la peau ne vaut pas un sou. Votre vie vous rapporte 1500 livres sterling par an. Vous êtes une jolie femme et Sir Gaspard Denison vous admire. Vous avez encore un très joli petit jeu avec les cartes que vous avez en main. Non, ma chère Blanche, je n'ai pas peur de vous. Si vous pouviez trouver une autre personne pour me tuer, ce serait autre chose. Mais vous ne vivez pas dans la romanesque Italie du siècle des Borgia, et l'état d'assassin salarié n'est plus profitable. Par parenthèse, quel joli temps c'était. Vous souvenez-vous de ce que dit un bûcheron en voyant César Borgia jeter le corps de son frère dans le Tibre ? Je ne me détournerai pas de cette route pour cela. Je vois la même chose toute la semaine. Holroyd trouva sœur Gasparde se chauffant devant un feu joyeux dans le salon jaune, où le visiteur fut introduit par Madame Harding, qui redevint une fois de plus la brillante Circé du baronnet, et ne fut plus la Clytemnestre aux yeux hagards de la galerie de peinture. Cette soirée de septembre était froide, et ce bon feu rendait le salon jaune extrêmement agréable. Holroyd s'approcha du foyer aussi gaiement que s'il sortait en ce moment de l'entrevue la plus charmante avec ses meilleurs amis, et commença à parler d'Alan Cunningham et de M. Charles Blanc pour l'édification du baronnet, pendant que Mme Harding se retirait pour aller s'habiller. Le jour n'était plus assez grand pour faire l'inspection des étuis de Sir Gaspard, et les deux gentlemen se promenèrent devant le feu en causant agréablement, jusqu'au moment où ils furent troublés par l'arrivée de Marcia et du curé, qui devaient dîner à l'abbaye après avoir rempli ses fonctions. « Les tapissiers viennent de partir, papa, » dit Marcia, « et les enfants ont chanté l'hymne du soir en s'en allant. Je ne puis vous dire quel heureux jour cela a été pour eux, et combien je dois aux soins infatigables de M. Sillbrook. » Le pauvre Sillbrook s'était exposé au soleil de midi et au vent de septembre, au point que sa figure était trop rouge pour le devenir davantage. Sans cela, elle se fut couverte de rougeur en recevant ce compliment. Pendant qu'il répondait à Mademoiselle Denison par un murmure enroué, Sir Gaspard l'interrompit. « Marcia, dit-il, permettez-moi de vous présenter un ami de Madame Harding, qui est assez bon pour dîner avec nous. »« Ma fille Marcia, monsieur, monsieur Holroyd, » suggéra le visiteur. « Ma fille, monsieur Holroyd, monsieur Sillbrook, mon ami et mon voisin, monsieur Hol... Quoi, Marcia, qu'est-ce que c'est ?» Elle s'était éloignée tout à coup du petit groupe et était tombée sur la chaise la plus rapprochée. Mais elle se releva pendant que son père parlait et lui répondit « Rien, papa, je suis un peu fatiguée. Je rappelle le temps de m'habiller. » Elle s'arrêta un moment en regardant attentivement Arthur Holroyd, comme si elle ne pouvait résister à l'impulsion qui la portait à regarder ce qu'était cet homme. Et elle quitta la chambre très tranquillement, mais si promptement que Sillbrook, empressé de lui ouvrir la porte, se plongea dans l'obscurité et alla tomber contre une ottomane triangulaire. Quelques minutes avant que le sommelier annonçât le dîner, il fut interrompu dans la solennité de ses fonctions par la petite Dorothée qui, tout essoufflée, vint lui demander de vouloir bien informer Sir Gaspard, aussi doucement que possible, que Mademoiselle Denison était trop fatiguée pour revenir au salon et qu'elle prendrait une tasse de thé dans sa chambre. Pourquoi n'ai-je pas refusé de donner à dîner à des enfants de charité et de rendre l'office des domestiques insupportable par l'odeur des roast-beef et la chambre de la femme de charge aussi humide et aussi visqueuse qu'une buanderie par la vapeur des plum pudding ? Remarqua le majestueux sommelier à Dorothée. Holroyd fut extrêmement désappointé de l'absence de l'héritière et un sombre désespoir s'empara du curé lorsque Sir Gaspard annonça froidement la fatigue de sa fille. Il avait attendu ce banquet qu'il devait partager avec elle avec un tel frémissement de plaisir. Il mangea son dîner sans savoir ce qu'il mangeait. Les lumières et les fleurs, l'éclat de l'argenterie, le miroitement des beaux miroirs ne l'enchantèrent pas. Il mit de la glace dans sa soupe et jeta du sel dans son vin. Et la belle marquise dans sa basquine noire n'était pas là, pas sa marquise à lui au moins. Madame Harding occupait son ancienne place à la droite de Sir Gaspard, un peu plus pâle que de coutume, mais avec un air rêveur et languissant qui charmait le baronnet. Elle était parvenue à s'habiller dans la perfection avec une demi-toilette de soie gris-perle relevée avec un rose délicat et une grosse rose à demi effeuillée posée sur sa luxuriante chevelure noire. C'était une rose naturelle, et tandis qu'elle parlait à Sir Gaspard, ses pétales parfumés se détachaient par un gracieux mouvement de sa tête et tombaient sur ses épaules comme une petite pluie charmante. Peut-être cette rose à demi effeuillée était-elle ce que Balzac aurait appelé une mouche. Une fois dans le cours du dîner, il y eut une petite pause dans la conversation et Holroyd, comme s'il sortait d'une rêverie, s'écria « Mais à propos, je me demande qu'est-ce qui a gagné le léger ?» Je ne suis pas un amateur de course et en vérité, je ne prends pas le plus faible intérêt à ces sortes de choses. Mais quelque indifférent que soit un homme, il doit se faire cette question à ce moment de la soirée. Il dit cela avec la plus gracieuse insouciance de manière, et son indifférence était tout à fait véritable. Il n'était pas amateur de course. Nul homme qui désire être un héros parmi les femmes ne l'est jamais. Et quant au résultat de la course, quelqu'un serait ruiné sans aucun doute, et quelque autre gagnerait un tas d'argent. Il y aurait confusion dans les cartes, mais impossibilité de rien gagner pour Arthur Holroyd. Comment aura-t-il pu deviner qu'à cette course du Nord, il y avait une autre chance au-dessus et en dehors des prises ordinaires et des chances habituelles de ces réunions, et qu'un cheval avait couru, pour rien moins que l'enjeu de la vie du brillant Arthur Holroyd, et qu'il avait perdu ?